je ne soutiendrai ces rois de la malhonnêteté. On est plus là pour rire et pour cracher notre haine, parce que la rue c'est de la merde et qu'on chie sur la société. On est même des êtres humains, on pourrait aussi travailler. En quoi ma traite te fait chier, l'usine va te s'arrêter. On n'est pas des bons à rien, on a de la com sur les mains. Mais vous savez, pour des clous, moi perso ça me rend fou. D'en finir avec votre culture du pire, vos idées, vos tabous. Vous pensez bien qu'on s'en fout. Jamais je n'engagerai mon corps dans une guerre, même pour de l'or. Car ma vie m'appartient, je ne vendrai pas mes lendemains. Mais on est là que pour dire, chanter vaut mieux que d'agir. Monter une révolution, ça ne se fait pas qu'en chanson.